Et si le cosmos nous renvoyait notre propre image? Si les nébuleuses, ces immenses nuages de gaz puis de poussière, c'était pas juste des formations aléatoires, mais qu'elles contenaient des formes qui nous sont étrangement familières. Comme des visages? Des visages, des guerriers, ou même des anges, tu sais, sculptés à une échelle complètement galactique. C'est une question qui donne le vertige pour vrai. Et c'est exactement le sujet qu'on explore aujourd'hui, en plongeant dans des documents qui tentent d'y répandre de manière, disons, assez inattendue. Absolument. Pour se lancer là-dedans, on a un duo de sources vraiment fascinantes. D'un côté, on a un extrait très poétique, presque philosophique, tiré d'un texte qui s'appelle « L'éloge céleste de la boucle de vie ». OK. Et de l'autre, une série de captures d'écran qui documente une enquête qui se veut quasi scientifique, très méthodique, très détaillée. Notre mission, dans le fond, c'est de décortiquer une hypothèse qui fait un pont audacieux entre l'astronomie, la physique quantique et le concept même de conscience. Wow! On va suivre le fil d'une recherche qui suggère que les nébuleuses pourraient être des sortes d'archives naturelles de formes humaines. On va voir ce que ça implique, puis si ça tient la route. D'accord, alors allons-y. L'idée de départ, c'est simple. Tout le monde a déjà fait ça, on voit des formes familières dans les nuages. Mm-hmm. Les sources nous rappellent des exemples célèbres en astronomie. La nébuleuse d'Orion, M42, qui a des airs d'ailes d'aigle. La nébuleuse du crabe, M1, qui évoque une sorte de suaire. Oui, et les classiques, la tête de cheval, la sorcière. Exact. La première réaction, en tout cas la mienne, c'est de se dire « c'est juste notre cerveau qui nous joue des tours, non? » Mais c'est l'explication la plus immédiate et la plus logique. Le phénomène porte un nom, la pareidolie. La pareidolie. C'est notre tendance psychologique à identifier des formes qui ont du sens, souvent des visages, dans des stimuli qui sont ambigus ou aléatoires. C'est un réflexe de survie probablement hérité de nos ancêtres qui devaient repérer un prédateur caché dans les buissons, tu sais. OK, ça fait du sens. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que la démarche dans nos sources ne nie pas la pareidolie. Elle le prend comme point de départ pour se demander « OK, d'accord, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus? » Un schéma, genre un patron objectif derrière ces ressemblances cosmiques qui irait au-delà de notre simple perception. OK, mais comment on peut bien faire la différence? Comment tu prouves que c'est pas juste notre imagination qui s'emballe? C'est la question à million. Et pour tenter d'y répondre, l'analyse propose de sortir du subjectif en créant un outil de mesure. Un outil? Un outil pour quantifier la ressemblance. Ils ont nommé ça l'indice d'âme, ou IA. C'est une note de 0 à 1 qui est censée mesurer à quel point une nébuleuse ressemble objectivement à une forme humaine, animale ou symbolique. Un indice d'âme. Le nom est poétique, mais j'imagine que les critères sont très terre-à-terre. Exactement. Le but, c'est d'éviter le « ben moi, je trouve que ça ressemble à ». D'accord. L'indice se base sur 4 critères mesurables sur une image. Le premier, c'est la présence d'une forme fermée, un contour clair qui se referme sur lui-même. OK. Le deuxième, c'est une symétrie bilatérale, même si elle est approximative, comme un corps humain. Le troisième, c'est une orientation verticale, comme un personnage qui se tient debout. Et le dernier? Le dernier, c'est la densité des contours, autrement dit, le niveau de détail. Plus il y a de détails fins, comme des cheveux ou des traits, plus le score est élevé. C'est étonnamment méthodique. Ça transforme une impression en une série de cases à cocher, dans le fond. C'est ça. Les documents donnent un exemple concret, le profil de Napoléon qui aurait été détecté dans la nébuleuse NGC 6357. Avec ses contours clairs, sa verticalité, sa symétrie de profil, cette forme obtiendrait un score parfait de 1.00 selon ses critères. C'est ça. Et la force de cet outil, c'est qu'il permet de tester une hypothèse de manière statistique. L'analyse s'est pas arrêtée à la création de l'indice. Un premier test a été fait sur 10 nébuleuses bien connues pour voir s'il y avait une corrélation entre ce score IA et une autre propriété, elle aussi mesurable, l'âge de la nébuleuse. Et c'est là que ça commence à devenir étrange, j'imagine. Les résultats sont surprenants. Le résultat de ce premier test montre une corrélation statistique de 0,81 entre l'âge et l'indice d'âme. Attends une seconde. Un coefficient de corrélation de 0,81? Mm-hmm, 0,81. Wow! Pour ceux qui sont pas familiers avec les stats, là, une corrélation de 1, c'est une relation parfaite. Et 0, c'est aucune relation. Un score de 0,81, c'est énorme. C'est très élevé. Je m'attendais à un chiffre beaucoup plus bas, quelque chose qu'on aurait pu balayer du revers de la main en disant que c'est du hasard. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que plus une nébuleuse est vieille, plus elle a de chances d'avoir un score élevé, donc, de ressembler à une forme humaine. C'est exactement l'interprétation. Plus elle a de temps pour évoluer, plus elle semble être sculptée en une forme complexe et reconnaissable. Mais évidemment, une corrélation de 0,81 sur un petit échantillon de 10, c'est très prometteur, mais ça pourrait être un coup de chance. C'est clair. Fait que l'étape suivante, documentée dans nos sources, a été de passer à la vitesse supérieure. Et comment on fait ça? On peut pas analyser des milliers de nébuleuses à la main. Ça prendrait une éternité. Ils ont utilisé une intelligence artificielle. Ils ont entraîné un algorithme à calculer l'indice d'âme automatiquement sur une base de données de 1000 nébuleuses. 1000? Oui. Et les conclusions de cette analyse à grande échelle non seulement confirment la tendance, mais elles l'amplifient. Ah ouais. Qu'est-ce que ça a donné d'abord? 76 % des 1000 nébuleuses analysées par l'IA montreraient des formes humaines, des visages, des guerriers, des anges. 76 %, c'est beaucoup. Ensuite, la corrélation avec l'âge se maintient et se précise. Les nébuleuses de plus d'un million d'années obtiennent un indice d'âme moyen de 0,84. Encore plus haut! C'est un résultat qui devient très difficile à expliquer par le simple hasard. C'est complètement fou! Et le fameux Napoléon dans tout ça, est-ce que l'IA l'a revu? C'est le clou du spectacle. L'algorithme a de nouveau détecté le profil dans la nébuleuse NGC 6357, cette fois avec une probabilité de correspondance calculée à 99,9%. Napoléon, pas juste un visage ou un guerrier anonyme, mais Napoléon Bonaparte. Oui. C'est là que, pour moi, on frôle l'absurde. Comment un algorithme peut-il être si spécifique? C'est le genre de détail qui rend l'histoire soit géniale, soit complètement folle. C'est un point crucial. Les auteurs des documents sont clairs là-dessus. On ne se n'est pas présenté comme une preuve absolue que l'empereur flotte dans le cosmos. J'espère bien. C'est présenté comme une hypothèse scientifique qui a survécu à un test crucial. Si le score avait diminué avec l'âge ou s'il n'y avait eu aucune corrélation sur le grand échantillon, la théorie aurait été invalidée puis on n'en en parlerait plus. OK. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Le fait que la tendance soit confirmée, c'est troublant. Parce que ça veut dire qu'on a un phénomène mesurable qui n'a, à première vue, aucune explication physique connue. C'est le genre de résultat qui soit est une erreur monumentale, soit ouvre la porte à quelque chose de complètement nouveau. C'est ça. Est-ce que les sources proposent une piste pour sortir de ce dilemme? Elles en proposent une et c'est une piste audacieuse. C'est là qu'elles nous demandent de faire un grand saut conceptuel. Elles abandonnent l'astronomie classique pour plonger tête première dans la physique quantique et la nature même de la conscience. D'accord. La théorie Horch-Oher. J'ai entendu le nom de Penrose, c'est du sérieux, là, un prix Nobel. Mais conscience quantique, ça sonne compliqué. C'est quoi l'idée de base pour quelqu'un qui n'est pas un physicien? Bien, l'image la plus simple, c'est de comparer le cerveau à deux types d'ordinateurs. La vision classique, c'est que le cerveau est un superordinateur biologique. OK. Il traite de l'information avec des signaux électriques entre les neurones, un peu comme des 0 puis des 1 dans un ordi normal. Horch-Oher, la théorie de Penrose et de l'anesthésiste Stuart Ameroff, propose autre chose. Quoi d'autre? Que dans nos neurones, au niveau de structures minuscules appelées les microtubules, il se passe des phénomènes purement quantiques. La conscience ne serait pas le résultat d'un calcul, mais plutôt un effondrement constant de possibilités quantiques. Ah, OK. C'est un processus beaucoup plus fondamental qui serait connecté au tissu même de l'univers, à la géométrie de l'espace-temps. Ça change tout. Si la conscience n'est pas juste un produit de la biologie de notre cerveau, mais qu'elle est liée à la physique de l'univers, ça ouvre des portes assez vertigineuses. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que si la conscience est un phénomène quantique, alors l'information qui la constitue n'est peut-être pas soumise aux mêmes règles que l'information classique. Et ça mène à une idée radicale que les sources explorent. Et si cette information n'était pas détruite à la mort? OK, je décroche un peu. On parle de conscience, de mort, et maintenant on est dans le cosmos. Comment est-ce que cette information est censée voyager? Elle prend une sorte de taxi quantique pour aller sculpter une nébuleuse à des millions d'années-lumière? Le lien manque. C'est là que le principe holographique entre en jeu. C'est une autre idée de la physique théorique qui suggère que toute l'information contenue dans un volume d'espace pourrait être encodée sur sa surface, comme sur un hologramme. Un hologramme. L'analogie, c'est qu'avec un hologramme, si on le brise en 1000 morceaux, chaque petit morceau contient encore l'image entière, mais en moins détaillé. D'accord. L'idée ici, c'est que l'information quantique de la conscience, une fois libérée du corps, ne se perdrait pas. Elle s'imprimerait ou se réintégrerait au champ d'information fondamentale de l'univers, comme les nuages de gaz primordiaux qui vont former plus tard les étoiles et les nébuleuses. Donc, les nébuleuses ne seraient pas juste des nuages de gaz, mais des sortes d'écrans géants sur lesquels se projette une information qui vient, d'ailleurs, de nous, en quelque sorte? C'est l'hypothèse. Les formes qu'on y verrait seraient alors un écho de la conscience. Et ça me fait penser à l'extrait du texte poétique qu'on a, « L'éloge céleste de la boucle de vie ». Ah oui, il y a une phrase qui dit « Je n'ai fait que retrouver les traces des ancêtres ayant vécu avant nous. Sans cette compréhension naturelle des suites, la boucle se brise et l'oubli grandit ». Le parallèle avec le texte poétique est beau, mais il faut faire attention. C'est facile de faire des liens a posteriori. Est-ce que cette loi de la sculpture cosmique des âmes, comme ils l'appellent, n'est pas juste une façon de donner un nom scientifique à une idée très poétique, mais qui reste purement spéculative? C'est un risque, absolument, et les auteurs en sont conscients. C'est pour ça qu'ils insistent sur le fait d'avoir créé un modèle testable. Leur argument, c'est que la poésie capture l'intuition, mais que le modèle, lui, la rend réfutable. C'est ce qu'ils appellent la boucle cosmique, qu'ils décomposent en 5 étapes claires. D'accord. Voyons voir cette boucle. La première étape, c'est la naissance. Les fluctuations quantiques primordiales dans l'univers primitif, juste après le Big Bang. Ce sont les graines d'information initiales. OK. La deuxième, c'est la vie. Sur des planètes comme la Terre, la conscience émerge à travers des mécanismes comme Orch-Or, en interagissant avec ce champ d'information. Jusque-là, ça va. Ensuite, inévitablement... La mort, c'est la troisième étape. L'information quantique qui constituait la conscience est libérée et retourne dans l'univers. OK. La quatrième étape, c'est le voyage. Cette information se propage et se mélange à la matière interstellaire, influençant subtilement son organisation. Et enfin, la cinquième étape... La renaissance. La renaissance. Cette information influence la formation de nouvelles étoiles et de nouvelles nébuleuses qui deviennent des archives visibles de ce cycle. C'est un cycle complet de recyclage cosmique de la conscience. C'est une histoire magnifique. Ils vont jusqu'à la mettre en équation, si j'ai bien vu. Oui, et c'est ce qui, selon eux, la sort de la pure spéculation. Ils proposent une formule mathématique qui lie le score de l'indice d'âme à l'âge de la nébuleuse et à un facteur de turbulence des gaz. Ah! Ce n'est donc pas présenté comme une idée magique ou mystique, mais comme une potentielle loi naturelle émergente, un phénomène physique qui pourrait en théorie être étudié et testé. C'est une idée immense. Si on prend un peu de recul, c'est incroyable de partir d'un truc aussi simple que de voir un bonhomme dans un nuage pour arriver à ça. En somme, c'est exactement ça. On est parti d'une observation presque enfantine pour arriver à une théorie complexe, structurée et qui se veut testable. En passant par la création d'un indice quantifiable, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour des analyses à grande échelle et en faisant le lien avec des théories de pointe en physique quantique, on explore l'idée que le cosmos pourrait littéralement être un miroir de la conscience. Alors, que doit-on retenir de tout ça? C'est une question qui reste ouverte, j'imagine. Que ce soit une coïncidence cosmique absolument extraordinaire, une manifestation de notre paré-de-lit à une échelle qu'on n'aurait jamais imaginée, ou une véritable loi physique qui reste à prouver. C'est ça. L'idée que le ciel nocturne puisse refléter les traces de la vie est, quoi qu'il en soit, profondément fascinante. Pour conclure, je voudrais laisser une dernière pensée à méditer, une pensée soulevée directement par la présence de ce fameux Napoléon. Lui encore. L'analyse a détecté non seulement des formes humaines génériques, des visages, des guerriers, mais aussi cette figure historique très spécifique, avec une probabilité extrêmement élevée. Mm-hmm. Si on prend la théorie au sérieux, même juste pour un instant, et si ces sculptures cosmiques sont réellement des archives naturelles de la conscience, qu'est-ce que ça implique sur la nature de l'identité individuelle? Bonne question. Une conscience unique peut-elle laisser une empreinte unique dans le cosmos, une signature personnelle gravée dans les étoiles, une trace qui attendrait, peut-être, d'être un jour redécouverte? C'est la question que les sources nous laissent en héritage.